Tortoni et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Oh! Hey, c'est Radio Panique, il est 17h, c'est l'heure de Tortoli et Arbatax! Content de vous retrouver, chers auditeurs, j'espère que vous êtes bien calés au chaud, comme nous ici dans les studios. Tranquillement. Tortoli, comment tu vas? Bah, plutôt pas mal, il y a de la bonne bouffe au menu ce jour-ci. Une spéciale Noël, une bûche quoi. Ouais, une bûche. Une émission en forme de bûche de Noël quoi. On va commencer avec des huîtres, on va finir avec la dinde. Arbatax fera donc la génoise aujourd'hui. Et puis Tortoli fera le petit nain qu'on met sur la bûche, hein, celui qu'on suce une fois par an. Celui qui coupe la bûche. Celui qui coupe la bûche avec la petite scie. Yes, donc les fêtes approchent, c'est bon, bah, une petite émission spéciale Noël. Pour vous rappeler le principe, un générique va venir tout de suite, générique pour Rav, il sera d'actualité, vous allez voir. Classique à la fin de l'émission, comme d'habitude, l'agenda culturel. Pas facile cette semaine parce que tout le monde y va de sa soirée de Noël sur Bruxelles. Il paraît que c'est Noël. C'est soirée spéciale Christmas, spéciale machin, mais on a essayé de trouver 2-3 bonnes soirées. Et puis voilà, il y aura aussi les résultats de la fameuse expression de la semaine. Ça on passera vite, mais il y aura surtout du bon son électro rock, hip hop. Ça va être fat, mais d'abord le petit générique. Allez, bon baiser de Fort-de-France. On se rejoint juste après ça. Drao, 105.4, c'est Radio Panique. C'est Tortoli Arbat. On est là jusqu'à 18h. Yo. À tout à l'heure. Yes, yes, yes. C'était la compagnie créative. Allez! Tortoli et Arbatax. C'est Radio Panique. Mes amis! Allez! Je crois que nous avons un sérieux problème à régler. Allez! Hey. C'était donc la compagnie créole. Excellent. Et on va se mettre quoi direct? Direct derrière. Alors on est parti sur un Amadou et Mariam, mais un remix. De l'époque. De Mike Snow. Snow, ouais, voilà. Donc je sais pas si vous aurez repéré toute la thématique qu'on est en train de vous faire. Après la compagnie créole, bon baiser de Fort-de-France, maintenant remix de Mike Snow. Donc là, il y a du boulot. Ça, c'est le morceau Sabali. Et juste après, il y aura Me and You avec Brown Paper Bag, celui avec lequel vous faites vos courses aux États-Unis, le fameux Brown Paper Bag, ou celui dans lequel on vomit aussi dans l'avion. Oh, c'est... Ah, tu parles tout bas. C'est Sabali, c'est Amadou et Mariam, c'est Remix, Mike Snow. Yes, man. Je te mets un peu de son. Ça part bien. Ni queremos café. messieurs, bonsoir. Je suis Pascal, votre chef de bord, et je souhaite la bienvenue aux voyageurs nous ayant rejoints à bord de ce TGV Lyria à destination de Paris-Gare de Lyon. Pour votre confort, un bord est ouvert en voiture 4 au centre de la rame. Je vous souhaite un agréable voyage. Good evening, ladies and gentlemen. I am Pascal, your ground manager, and I would like to welcome to the passenger. You have joined us on board this TGV Lyria to Paris. The bar buffet is now open, coach number 4. Ici, you have a very pleasant journée. C'est Radio Panique, c'est 105.4, c'est Tortoli et Arbatax. C'est une forme de virus, genre Ebola. C'est formidable. Yes, de retour, vous écoutez Tortoli et Herb Attax. Le titre c'était Brown Paper Bag et les artistes c'était Me and You. Me and You c'est des artistes du label Through Songs. Through Songs qui abrite notamment The Bamboos, Belle Ruche, Quantique, etc. Hein. Tu rigoles. Non, sur The Bamboos, mais. Voilà. Non, mais on les avait déjà passés. Et en fait, c'est un titre qui est issu d'une compilation, donc le label a fait une compilation où les artistes de ce label remixent d'autres artistes de ce label, voilà. Donc le label s'appelle Through Songs. J'adore, à chaque fois tu vois cet accent. Tu me régales. Mais dis-moi mon petit ami, il est l'heure. Ce serait pas l'heure du clash d'expression de la semaine. Petite suite. Attends, je vais retrouver le générique. Attends, bouge pas. Tu veux que je le fasse à la bouche? Ça fait comment déjà? Ça fait. Voilà, ça fait un truc comme ça, exact. Exact. C'est donc la chronique de l'expression de la semaine, mon petit Arbatax. À votre gauche, avec son beau pyjama rouge, le champion en titre. Tortoli, non, oui, effectivement, le champion en titre. Avec du haut du classement, il regarde. Avec effectivement déjà 7 victoires à son actif, dont un KO. Son nana, son actif. Et dans le coin droit, Arbatax qui lui colle au train avec 6 victoires et qui aujourd'hui peut-être pourrait recoller. En tête du classement. Exactement. D'ailleurs, on va rappeler les scores de la semaine dernière, ou plutôt, on va essayer de passer rapidement, puisqu'il y avait deux expressions qui s'affrontaient, savoir. Moi, c'était ça l'effectue. Et moi, c'était la poisse, la déveine, la guigne, qui m'avait été glissée par un. Audite. Audite. Voilà, moi aussi je prenais l'expression qui m'avait été proposée par Nicolas R sur Facebook. Facebook Tortoli Herb Attax. Tu manques pas d'air. Nicolas R qui m'avait proposé celle effectue a récolté la modique somme de 50. Il a récolté 8 voix. Et pour toi Tortoli? 4. Et voilà. 4. Voilà. 4, voilà. Bon voilà. Bah, 8-4. Finalement, bravo. Voilà, 8-4 ça fait comme 2-0, donc c'est pas si catastrophique que ça quoi. Je pense que. Voilà, et on rappelle à l'auditeur qu'on nommera par ses initiales OB. qu'il ne faut pas voter pour les deux en même temps, c'est pas possible. Enfin, on peut pas voter pour à la fois la guine, la déveine et à la fois pour celle effectue. Ah d'accord, donc il y a des mecs qui. Voilà, ils mettent des voix partout quoi. Ils vendangent quoi, ils vendangent comme on dit. Bon, et ben voilà. Passons à l'affrontement de la semaine. Attends, mais alors du coup, ça voudrait dire qu'on là, on revient à. On est à 7-7 quoi. On passe. C'est vrai. Excuse-moi, j'ai oublié de mentionner le classement général. On est à 7-7. C'est exact. Bon. Exact, 7-7, on finit l'année sur un 7-7. Enfin! Enfin, il recolle. Yes. Bon, c'est bien, bien sympathique de votre part, ami auditeur, de l'avoir fait recoller. Voilà, merci beaucoup. Au moins, merci rendu beaucoup. Au repas de famille, il va pouvoir dire eh ouais, ouais. J'ai recollé, je suis à égalité. 7-7, les gars. Ah, les parents vont être fiers. Cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on organise? Eh ben, on va proposer deux expressions et puis les résultats tomberont en 2011, j'imagine. Pour le début de l'année. J'imagine. Alors, moi, pour vos petites vacances de Noël, je vous propose d'utiliser l'expression. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Oh bah elle est belle. Voilà, faut conclure chaque phrase par. Enfin bon, tout ça ne nous rendra pas le Congo. Non, elle est belle, pas mal. Voilà. C'est non mais c'est très typico belge. C'est. Il reste dans le contexte. Donc face à typiquement Congo, je ne sais plus ce que t'as dit. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Voilà. Il y a l'expression nightmare. Nightmare. Oui. C'est qui, la contraction. Qui fait référence à quoi en fait? La contraction de nightmare en anglais. Ok. Tu vois le cauchemar. Et d'accord. Merde, shit. Uh-huh. Nightmare. Par exemple, j'ai passé une journée de nightmare. Ou plutôt cette nuit, j'ai vécu un vrai nightmare. Voilà. En gros, pour dire, c'était horrible quoi. C'était vraiment horrible. Par d'accord. Exemple, ouais, voilà. Si t'as une gueule de merde, tu peux dire j'ai une nightmare. J'ai une nightmare là. Voilà. Ok, nightmare. D'accord, j'aime bien. Je suis pas par terre, mais j'aime bien. J'aime bien. Mais pas par terre. J'aime bien. Surtout que c'est bien pour les fêtes en famille et tout, c'est un truc qui passe bien. Bah c'est facile à sortir comme ça. Ça rendu à la bûche. Et les marrons, quoi. Rendu à la bûche, je peux dire que c'est fat. Ça, alors que bon. Là, ton petit cousin, il va te regarder autrement. Là, il va te dire. Mais. Arbatax. Mon cher auditeur, je récapitule. Vous avez cette semaine, même probablement pour les deux prochaines semaines, c'est-à-dire pour l'entièreté des vacances, des congés qui arrivent. Oui, puisque la semaine prochaine, ça sera sûrement. On fera une surprise. On dit pas 15 quoi, jours. Vous avez 15 jours à loisir pour utiliser Nightmare ou Tout ça ne rendra pas le Congo. vous voyez un petit peu ce que ça donne, vous saucez un peu, vous sondez comme ça, et puis vous votez sur Tortoli et Herbatax sur Facebook, vous lâchez un petit comment, plus un pour une expression, plus un pour l'autre, peu ça importe. Nous rendra pas le Congo, on fera les totos au mois de janvier. Merde. Voilà, pas mal. Voilà. Ça, c'est une bonne chronique qui s'est bien passée. J'ai envie de faire déjà un premier bilan sur. On met une croix à côté. Suite, quoi, chaud. On met une croix. Voilà, ah oui, parce que la semaine dernière, ça n'était pas fameux. Dis donc, oui, on devait s'excuser pour la semaine dernière. Tu ne l'as pas fait. Merci aux deux auditeurs qui ont téléchargé l'émission et qui l'ont écouté jusqu'au bout. Oui, on a eu des petits problèmes techniques, hein, ça arrive. Voilà, c'est ça, mettre le fil rouge sur le noir. Voilà, on n'avait pas assez de sel. Ça n'a jamais été compatible. Pas assez de sel pour dessaler les studios et. Enfin voilà, donc je raye, chronique, expression de la semaine, ça c'est fait. Nous allons repartir sur une dupliquette, un double son. Le premier ça va être Tikken Jaffa Coli, mesdames et messieurs. Ça, et ça c'est Tortoli qui a tenu expressément à la passer cette semaine. Ça c'est pour Laurent Gbagbo, prends ça. Gbagbo, quitte le pouvoir, Tikken Jaffa Coli. Pow. D'ailleurs elle pourrait être valable pour Silvio aussi, hein, qui s'est fait réélire, enfin plus ou moins réélire. Silvio, Nico. Silvio et Laurent. Laurent, toute la clique. Je vous félicite pas. Allez, rentre chez Watt. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui, tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit, quitte le pouvoir. Aucun changement. Malgré différents gouvernements depuis 40 ans, tu pourrais passer un sale moment si tu nous pourris le temps. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. That time, PBS Radical Man, when I'm on the quota. On a marre, on vit dans le cesse, on dit qu'on a marre, on a pas un patin, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes bon et mental, vit dans le mal, tu nous fais dans le mal, il est donc évident que tu bêches dans le mental, pas d'évolution, mal libère le peuple, fais le vite, fais le bien, mal libère le peuple, et pense à demain, mal libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple, rester tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de trop, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat de trop. On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le stress, on dit qu'on a marre, on a pas un patin, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la porte, et sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la porte, et sort dans le calme, t'es gala, vas-y, et sort dans le calme. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit, quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit, quitte le pouvoir. Laisse tomber l'histoire, tu sais bien pourquoi. Monsieur le président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi, monsieur le président. Quittez le pouvoir, monsieur le président. Si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Et tes sous-bois, oui. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit pourquoi? Parce qu'on n'a rien à faire. On est là pour qui? Pour Tortoli et Arbatax. On est là pour quoi? Je n'osais pas te le demander. Alors? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Radio Panique. Bronson's, le goûter qui bange. Delicious. Vous allez enfin mettre fin au mystère et nous dire quel est ce nouveau projet dont on a tant entendu parler. Mahonto Wayuto. Kotoba de Setsume Sun wa Muzukushin desu ne. Qu'est-ce que vous en pensez? Voulez-vous qui? Cool. Voilà, c'était Mark Ronson. Le morceau s'appelle Bang Bang Bang. Apparemment, on nous fait signe que ce serait le jingle du Grand Journal sur Canal en ce moment. Non. Top du top de l'actualité. Qu'est-ce que j'entends, Tortoli? Je te coupe. L'agenda tu. L'agenda turel. L'agenda culturel. Bah. Yes, I. Et voilà, comme on disait. Ça te dérange pas de parler un non, petit non, peu sur tout, du blanc? Non, pas du tout, parce que okay. Je peux faire du beatbox et juste avec mon ventre et le fond de ma gorge, je ferai aussi moi-même le tapis. Très okay bien, très bien, très bien. D'accord. Vas-y. Alors, l'agenda culturel, comme on disait, bah, pas facile en ces périodes de fête, de trouver des petits trucs, des petites soirées, évidemment, mais, enfin, mis à part les soirées spéciales Noël, à base de gogo danseuse, DJ machin et tout, mais je vous propose... Si Guimette veut bien m'envoyer... Je te mets juste un petit peu de son avant. Si qu'est-ce, tu veux, qu'est-ce que c'est? Monte un peu ça. C'est, ça te rappellera Noël. Yes, man. Yes, merci, ça me fait plaisir. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait ce soir juste après? Ah, ce soir. Voilà, bah, ce soir, vu qu'on est en forme, début de semaine, on va s'intéresser à l'écologie. Et il y a Yann Arthus Bertrand qui vient. Oh, l'autre. Écologie. Bah oui, bien sûr, tu savais pas, je m'intéresse à l'écologie. C'est, voilà l'émission, trop sérieuse. Bah ouais, bien quitte sûr. Le pouvoir, l'écologie. Une émission engagée. Les mecs, ils sont, engagée, bien ils sûr. Vénère. Mais tu sais, les pains de Noël, c'est toujours un peu comme ça les bonnes actions, tu sais, on donne aux assos, etc. Avant d'aller voir la famille, il faut. Voilà, on donne quelques roros, quelques euros. Et là, à Tour et Taxi, il y a le fameux Yann Arthus Trambert. qui s'y est installé depuis le 17 décembre et qui fun. Sera là jusqu'au 31 mars avec 6 milliards d'autres qui donc en fait une compile d'interviews de milliers d'interviews tout autour de la planète Trambert sur c'est génial. Qu'est-ce qui doit se passer dans ton cerveau? Je sais pas, sans dessous quoi, plus ou moins à l'envers. Plus ou moins Trambert à l'envers. Et voilà, donc ça s'appelle 6 c'est milliards brutal. D'autres. Ça parle d'écologie à base d'interviews vidéo. C'est à Tour et Taxi depuis le 17 décembre et jusqu'au 31 mars. Donc ça c'est pour ce soir si tu nous le proposes. Bon, je le propose ce soir mais j'ai quand même donné les dates. Je sais pas si tu m'écoutes un peu. Voyons demain. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait demain? Demain mercredi, il y a un petit concert au Café Central. C'est gratos. Ils sont connus dans la région puisque c'est The Holograms, les Belges qui font du pop rock. The Holograms qui ont gagné pas mal de tremplins rock ces dernières années. Et ils proposent voilà, un petit concert au Café Central, donc Saint-Géry, demain, le 22 décembre. Okay. Voilà. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait jeudi? Jeudi oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me clashes? Et ben bang, je te remets notre expo. Voilà, ça se passe. L'intello. Oui, bah ça va. C'est les vacances, on se repose, on a le temps de s'intéresser à ce genre de choses. L'intello. Ça se passe rue des Tanneurs, pas très loin du Recyclard, dans les Marolles. Pas très loin du théâtre des Tanneurs. Pas très loin du marché bio des Tanneurs. Et pas très loin de la place du jeu de Tanneurs. C'est ça. Et voilà, donc c'est au numéro 65 rue des Tanneurs. C'est les archives de la ville de Bruxelles en fait qui exposent des photos dans le cadre de l'expo Correspondance Bruxelles d'un siècle à l'autre. Et donc en fait le concept c'est facile, c'est un peu avant-après. On prend une photo d'il y a 100 ans, on prend une photo aujourd'hui avec le même point de vue, même angle, même panorama. Ils ont essayé même la même saison, ils ont essayé vraiment de faire exactement le plus proche possible. Et voilà, on repère tout ce qui a changé aussi ce qui n'a pas changé quoi. Malade. Voilà, mais c'est pas voilà, il faut pas y aller comme ça nostalgique. Ah, c'était bien avant, il y avait des calèches, il y avait des pavés, non? Ça tu nous le cales plus pour jeudi quoi. Bah, je le calerai a priori pour jeudi, donc c'est de 8h à 16h toute la semaine et il t'en coûtera juste 2€. Et si vous voulez retrouver Arbatax, vous savez voilà. Où est-ce qu'il va aller cette semaine. Yes. voyons ce que tu fais vendredi. Mais où est Arbatax cette semaine? Oh, il est auprès du marché bio, il regarde des photos. Tortoli, tu m'entends, je suis rue des Tanneurs actuellement, ici la foule est en délire à l'expo Correspondance Bruxelles d'un siècle à l'autre. Voilà, non, pour déconner, ça coûte que 2€, c'est sympa, c'est pour connaître sa ville. C'est la grosse déconne. Voilà. Et les gars, qu'est-ce qu'on fait vendredi pour commencer bien le week-end? Ah, vendredi pour commencer bien le week-end. Qu'est-ce qui se passe? On est le 24. Alors voilà. On va qu'est-ce voir, qui peut bien se passer ce soir-là pas, je sais pas, moi je vais aller caler des chaussons, tranquille. T'as des chaussons, toi? Bah ouais, quand je suis à la maison, j'ai des chaussons. T'as choisi quel modèle? Enfin, le modèle un peu. Tu utilises tes flip-flops là, tes tongs d'été non, ou non, tu non, t'es plus. J'ai pas ce truc ridicule. Charentaise là, alors peut-être. Qu'on les jeunes là, avec forme de chien ou je sais pas quoi. Ah là, oui, non, mais c'est des trucs comme ça, ouais. C'est cringard. Truc, en ballon de foot, machin. Charentaise, hein. Voilà. Bonne charentaise, hein. Charentaise, et puis j'attendrai demain tranquillement. Je vais me prendre une petite tête. T'as commandé quoi au fait pour mettre dans tes charentaises? Des chaussettes. Des chaussettes et un pied parce qu'il m'en manquait en fait. Ah, c'est pour ça que tu fais de la radio. Voilà, c'est pour cacher ce vrai problème. Bon pied, bon oeil. Bon, bah on a compris, c'est Noël. C'est vendredi. C'est Noël. Et les gars qu'on fait samedi en mode Saturday Night Fever. Samedi. Bah là, normalement, si t'as mis tes chaussons la veille. Tu récupères. Tu récupères quoi? La moisson. Là, tu récoltes. Là, tu récoltes ce que t'as semé, mon petit. Petite clémentine, michto. Donc, ouais, pour toi, c'est clémentine, d'accord. Bah, comme d'hab. Hein. Comme d'hab. Mais j'aurai peut-être un filet cette année. Hey. C'est important pour aller à la pêche. Période faste. Passons au dimanche, s'il vous plaît. Et les gars, à partir du dimanche et la semaine après, il y a des trucs. Bon, allez, tranquillement, pour ceux qui ont pété un câble deux jours avec leur famille. Pour ceux qui n'ont pas vu Arbatax depuis deux jours parce qu'ils se demandaient ce qu'ils faisaient dans son agenda culturel, il a quelque chose. Il voilà. A quelque chose dimanche. Dimanche, on se remet bien. On se remet en mode dubstep avec la soirée Preacher. Preacher, carrément, ça parle british. Donc, la soirée Pression. En fait, c'est le label Stenage Records, bien connu sur Bruxelles. Label dubstep, donc, qui s'installe au Fuse le dimanche 26 décembre. Et en fait, ils invitent leurs petits amis d'outre-Manche. Tom Tom et Nana. Donc en fait, les Bruxellois, bah, bien connus, Grime, Locke et Bun. Zéro. Bien joué, à base de tac-tac. Tu croyais que je suivais pas? Tu crois, tu non, non, que mais je te vois en train de regarder comme ça un peu autour de toi. Non, mais tranquille, je suis sur internet là. Donc voilà, les Bruxellois du label Stenage, Grime, Locke et Bun Zero invitent Nero, Addison Groove, Mark One et Het. Pardon. Head Hunter. Que des mecs que t'aimes bien. Voilà, pour une soirée dubstep. Que des potes. Par contre, je signale, c'est à partir de 16 ans. Ah merde. Et c'est 10 euros. Donc c'est peut-être, c'est peut-être lié quoi. Peut-être que. Je présenterai ma carte 12-25. Puis on essaiera de rentrer quoi. Voilà, carte 12-25. Ton go pass. Ton go pass. Tiens, en fait, t'as pas un go pass à revendre. T'en as peut-être plus besoin toi. C'est vrai qu'il y avait une limite d'âge. Bordel. Voilà, allez, ça se passe au Fuse, 10 euros, soirée dubstep, dimanche, Stenage Records. Eh bah très bien, tu parlais de musique, et bah on va s'en mettre une double. On va s'en mettre plein les doubles. Allez, on repart sur... Une double de Brooklyn, deux groupes plutôt de New York, bien Brooklyn, sûr, bien pour sûr. Être plus précis. Bien sûr, mais de toute façon, bah, rien qu'à dire les noms, regarde, écoute, j'annonce les deux artistes. Vas-y. Et ça sonne et moi, new-yorkais. Je rigole. Ça sonne new-yorkais. Blitz the Ambassador. Voilà, avec Rob Murat. Et l'autre c'est Das Racist. Das Racist, j'aime beaucoup. Ça fait quand même New Yorkais quoi. Ouais, bah deux Allemands, enfin deux groupes allemands, voilà. Exportés voilà. À Brooklyn. New Yorkais de Bavière quoi. Ah, New Yorkais du Sud. Voilà, et bah Blitz the Ambassador, Tortoli nous le ramène de ses valises, des transmusicales d'il y a 10 jours. Yes, ils ont fait une tournée européenne. Voilà. Ils sont passés par la Bretagne. Et c'était la dernière date quoi. The last date, the last show. In Europe, et donc si vous l'avez loupé, ça se passe sur Radio Panique, c'est maintenant, c'est Blitz the Ambassador, le morceau s'appelle Breeze, et après il voilà. Y aura Das Racist avec You Out to Know. Qu'est-ce qui se passe? 105.4, on repart, chaud! The legend that I became. Master on the boards, checkmate, Crummy King. Came a long way from sketching my teachers in the class to being one of the leaders in the strap. Gotta admit it, homie, you need me. Tired of watching the same videos, throwing remotes at your TV. Like, damn, what you gonna do when I let it go? Turn it out when you hit a bang on the radio. Give it up, gotta be the flow so critical. I'm still up originally, rhyme so pitiful. Slow down, blitz, these kids is dyslexic. Got a whole horn section when I'm banging with optics like. Nobody thought that I'd make it to rock's finest. No labels, no budget, no major co-signers. Just the heart, the notes, no defeat. You better apologize if you dream of knocking blitz off in your sleep. Not just you, just you, just you, just you, just you, just you, just you. this art with the heart of a veteran. Suicide, a classic album, as cool as I ever been. Tell your baby mamas, I promise that I'm the best here. Ringtone clones, my rhyme is a breath of fresh air. Who the hell wanna with Blitz far from the underdog? 16 bars better than your whole catalog. This is for them college grad boys and them duffel bag boys. Stacking your paper, take it back, boy. Don't forget that I'm from Ghana, man. You know how far that is? You can't get to Accra driving a car, that is. Just imagine the type of fire that burned in my chest. You got a city behind you, I got a continent. Yes, yes, the best is the best I kid. No, no, he didn't. Yep, yep, I did. And just you bow down to the greatest alive. Talk about taking it back, I took you forward. Now just you, just you, just you, just you, just you. Arbatax, les deux grosses mythes de Radio Panique. De retour. Voilà. Vous écoutez Tortoli et Arbatax, vous écoutez Radio Panique, vous êtes sûrement sur le 105.4 ou bien sûr. Machin.org, Panique avec un K, Radio Papa, Radio Ninique. Radio Monique. Voilà, et on vient de s'écouter. Un petit comme ça, un peu redondant, j'ai envie de dire. Je crois qu'il avait bu. Hein, un peu nonchalant, comme ça, une sorte de flow, un peu comme ça, elle a rien à foutre, quoi. Voilà, et ça s'appelait Das Raciste. Voilà. Joli nom, hein. Joli nom, quand même. Putain, j'en ai fait des nightmares de cette nom. Dis donc, tout ça ne rendra pas le Congo. Hein. Pardon. Même cette émission, aussi bien soit-elle. Elle ne nous rendra pas le Congo. C'est vrai. D'ailleurs, vous par même contre, elle nous rendra peut-être quelque chose. Auditeur, j'allais dire, vous pouvez la mettre à votre sauce. Hein. On dit Congo comme ça parce que ici on est en Belgique, mais tout ça ne nous rendra pas les Philippines, tout ça ne nous rendra pas notre jeunesse. Voilà, la Savoie. Tout ça ne nous rendra pas l'Alsace et la Moselle. Oh non, on parle pas. Bon, bref. Ne m'en parle pas. Das Racist, You Outano. Non, mais c'est pas mal, c'est frais. Allez, disons, j'entends les cloches qui sonnent là. Hein. C'est-à-dire qu'on approcherait de la fin, il nous reste le temps peut-être de caler un morceau, quoi. De la fin de l'année, exactement. Tiens. Ouais, on va se caler Def Affect et le titre c'est Hero Crisis. Def Affect, c'est des angevins. Des angevins. Donc. Bah tout ça ne nous rendra des pas. Des mecs d'Angers. Voilà. Voilà. Comment ça j'en ai pas dormi, j'ai fait des nightmares toute la nuit. Tu peux caler ça à n'importe quelle sauce. Hero Crisis, Tortelier Batax, vous êtes bien calé. Sur Radio Papa. On va revenir après, on parlera. On parlera après ? On sera potes. Un peu de blabla ? Bla. Allez. Bla. Blabla. Bla. Bla. Bla. Blabla. peu d'électro pour finir cette émission. C'était Def Affect et le morceau s'appelait Hero Crisis. Un peu d'électro, mais faut pas oublier que c'est Noël. Voilà, on touche à la fin. On touche le bout, comme dirait l'autre. Cette émission sent le sapin. Voilà, on est presque à la fin de l'émission. Voilà, il reste 5 minutes, il reste le temps d'un classique comme d'habitude. Voilà, ce voilà, sera. Pas donc... de quoi te faire des nightmares, hein. N-I-G-H-T-M-E-R-D-E. Et c'est Ray Charles qui va terminer cette émission. Il vient. Oui, il vient. Il vient. En fait, il m'avait envoyé un texto, il me disait qu'il venait pas. Ben non, mais c'est. Non, mais. Ouais. Il voyait pas bien avec ce que tu voulais dire, je pense. Avec la neige, il m'avait dit. Je pense qu'il voyait pas bien. Ah, il voyait pas bien. Ouais, je pense. Tu l'as déjà vu, Ray Charles? Non, parce que lui non ouais, plus. Ouais, enfin en vidéo. Lui non plus. Ah, il m'a jamais vu. T'as jamais vu. Okay. Et ben ce sera le morceau What I Said, What I Say, morceau de 1959, classé numéro 10 des 500 plus grands morceaux de tous les temps par le magazine Rolling Stones. J'adore ces classements. J'adore. Je te le mets un petit peu en fond, quoi. Tranquillement. Tranquillement. What I Said. Ray Charles avait quel âge ? Il avait approximativement 27 ans. Voilà, c'est ça. Environ. Bon, juste le temps de vous dire que Tortoli sera en DJ set en Vendée. Pendant les vacances de Noël. Heureux sont les Vendéens. Heureux, en cette période de fête. Je les vois déjà là, mettre des guirlandes à leurs fenêtres et tout. Et Tortoli arrive. Tortoli. Retour au bled pour et Tortoli. Oui. Non, pas au bled. Pas. Non, non, non, quand même pas. Non, reste poli. Je n'habite pas dans l'aube non plus, ni ces trucs-là. Voilà. Vive le vent. Vive et voilà. Vendredi. Tout ça ne rendra pas le Congo quand même. Et voilà, et vous avez rendez-vous dans un instant après Ray Charles avec Djibouti qui vous emmène au Cap Vert. Ce soir et entre 18 et 19h sur Radio Panique. On vous laisse un petit cadeau sous le sapin pendant les vacances, donc surveillez bien vos charentaises. Ça sera la semaine prochaine, hein. Il faudra bien témoin le sapin. Quoi. Voilà, le sapin qui est en fait Facebook, donc surveillez le Facebook Tortolière Batac sur un petit cadeau qui viendra pendant les vacances. À base de. T'énerves pas. Non, c'est... non, c'est au début c'est je suis cool et puis vers la fin, tu vois, je stresse. C'est la fin d'année, on commence à être nerveux, voilà. Oh, allez, allez, on monte un peu le son. Allez, on se quitte là-dessus. Merci, chers auditeurs. À l'année prochaine. Oh, c'est trop bien cette expression. J'aurais dû la prendre comme expression de la semaine. Et bonne santé, machin. Ouais. Voilà, bon. Enfin, bref. Et ben, Arbatax. À l'année prochaine. Meilleurs vœux. Torto. Bon boulot. Good job. Repos. Allez, ciao. Ciao. Kenavo. Oh, yes, ma'am. You don't do right. see me in misery. Come on, baby, see about me now, yeah. All right, all right. Oh, play it, boy. What's that? What time? All right.